La 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée s'est déroulée les 6 et 7 décembre au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont participé Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, les cadres responsables du comité central du parti et du comité central de l'Union, les cadres intéressés, les délégués élus aux conférences des structures de tout échelon de l'Union et les observateurs, cadres du parti et de l'administration intéressés. Les points de l'ordre du jour sont suivants. 1. Du bilan d'activité du Comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. 2. Du bilan d'activité de la Commission centrale de supervision de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. 3. De la révision des statuts de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. 4. De l'élection de l'organe directeur central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Kim Gi-nam, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, a lu la lettre historique pour accroître le rôle de l'Union des travailleurs agricoles dans l'accomplissement de la cause socialiste tutsi, adressée par le camarade Kim Jong-un, participant à la 8e conférence. On a présenté les messages et lettres de félicitations envoyées à ladite conférence par les partis politiques, les organisations des travailleurs agricoles et les formations sociales de divers pays. Le président du Comité central de l'Union a fait le rapport sur le bilan d'activité du Comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. On a écouté des interventions. La résolution sur le premier point de l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité. On a fait le rapport sur le bilan d'activité de la Commission centrale de supervision de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. On a discuté de la révision des statuts de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. La résolution sur la révision a été adoptée à l'unanimité. On a discuté de l'élection de l'organe directeur central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. On a élu le comité central et la commission centrale de supervision. On a publié la résolution de la première session plénière du 8e comité central de l'Union. On a élu le comité exécutif du comité central, le président et les vice-présidents du comité central et formé le comité d'organisation du comité central. On a nommé les chefs de département du comité central et le rédacteur en chef de l'organe du comité central, travailleurs agricoles. On a publié le résultat de l'élection des présidents et vice-présidents de la commission centrale de supervision tenue à la première session plénière de la 8e commission centrale de supervision. La conférence a adopté le test au serment adressé au camarade Kim Jong-un.